Pour un transport routier en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons les transports de voyage à 48 et 56 passagers, en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances au Marcos Pub Midget de Saint-Félicien et est fière d'être partenaire de la chronique de l'instructeur-chef David Boudreau. Parler du Marcos Pub de Saint-Félicien, habituellement on fait les chroniques le mardi, sauf qu'on a eu de la misère à se parler. On va parler avec David Boudreau. Salut David! Salut, David, si on revenait avec le Marcos Pub de Saint-Félicien la semaine passée, vous avez joué encore deux matchs et dans le premier match, c'est cédé par une victoire de 5 à 1. Oui, on affrontait les Seigneurs Chicoutimi pour la deuxième fois de la saison. Ouais. Oui, on a gagné 5 à 1. C'est un match assez serré par exemple. C'est au but, je pense, c'est 30-20. C'était serré jusqu'en milieu de deuxième période. Encore une unité spéciale ont fait la différence. On a profité des punitions des sacs pour son généreuse de 3 buts en milieu de troisième période. Puis en troisième période, c'était une formalité un petit peu. On a fermé le jeu plus un peu pour donner moins de tir au but. Puis on a gagné contre les Sagues. OK. Et dans l'autre match, victoire cette fois-ci de 5 à 1 à Jonquière contre les Orioles. Oui, on a affronté les Orioles qui étaient encore invaincus cette année. Il n'y avait pas de victoire, aucune défaite. Et qu'il y avait battu Tolbeau également 5 à 3. Donc on savait que les Orioles, c'était une grosse équipe. Moi, il manquait 5 joueurs réguliers, mais il y avait 5 PA pour ce match-là. Oh. Donc on a vraiment travaillé fort extrêmement pour gagner. C'est la victoire de la saison, je pense, qui me satisfait le plus. OK. Les joueurs ont vraiment travaillé en équipe. Les Orioles, c'est un très bon club de hockey. Jean-Simon Gérard, un des meilleurs joueurs de la Ligue, extrêmement rapide, bon lancé. Puis moi, mes meilleurs joueurs ont vraiment été meilleurs que ceux de Jonquière. Debloel, Lepage, Bélanger, ils ont vraiment joué du gros hockey. Puis mon gardien de but, Félix Gérard, aussi, était spectaculaire à toutes les périodes. Là. Il y avait eu des buts aux Orioles. Puis on a réussi à sauver une victoire de 5 ans. OK. Et maintenant, en fin de semaine, vous allez jouer deux autres matchs. Dans le traditionnel match du vendredi, vous allez recevoir ces mêmes Orioles. C'est ça, oui. C'était comme un peu un match aller-retour qu'on faisait contre les Orioles. On affrontait chez eux. Et ensuite, ils venaient chez nous. Donc, vendredi soir, on va avoir un gros match encore avec les Orioles de Jonquière. Et le lendemain, le samedi, on va chuter. Hey. C'est quand même, je voulais te parler de ça, c'est quand même le fun pareil. Tu avais dit 6 PA, à quelque part, ça prouve encore que la profondeur, ça n'est chez le Marcos pas. Oui, ben la profondeur, mais je veux dire, peu importe les équipes, là, je pense que quand tu as des joueurs affiliés avec moi, souvent, c'est des joueurs qui sont venus qui ont été coupés à la fin, qui sont déçus un peu au début de l'année, puis quand c'est des appels comme ça au début d'année. Ben, ils ont encore le souvenir en tête d'avoir été coupés. Fait que eux, leur but, c'est vraiment de montrer au coach que là, j'aurais pas dû les couper, puis c'est des joueurs qui étaient dans l'équipe, qui auraient dû faire l'équipe, qui auraient été importants. Puis j'ai toujours des bons matchs de mes joueurs PA. Puis je sais que Delbeau, c'est pareil aussi, puis Jonquière, puis Armand, puis Smith. Quand les PA viennent, ils en donnent parce qu'ils veulent montrer aux autres qu'ils sont capables de faire l'équipe. Puis ben, ça donne un coup de pouce aussi pour les joueurs réguliers qui se disent waouh, le PA, ils travaillent bien fort, on n'a pas besoin de suivre la cadence. Et que les joueurs réguliers également, ben, veulent me montrer que finalement sont meilleurs que les PA. Fait que ça fait vraiment pas une belle dynamique. Ça fait que les joueurs travaillent extrêmement fort puis ils jouent plus avec que quand j'ai un alignement régulier. L'alignement régulier, ben c'est un peu une game dans la saison, c'est un match de plus, et on joue, oui, c'est le fond, c'est correct. Mais avec des PA, ça change un peu la dynamique. Je l'ai vu à Jonquière. On aurait pu perdre aussi, là, mais je veux dire, mais les joueurs ont tellement bien travaillé, ils ont tellement bien joué en équipe. Que Jonquière a un peu subi le fait que mes 5 PA étaient sur le banc puis qu'ils voulaient gagner puis qu'ils voulaient travailler. Ouais. C'était assez spécial. T'es limité à quoi? T'es limité à. C'est quoi la limite? Je pense que c'est 6, je pense, hein? L'ordinateur, quand on va par cœur, c'est comme le nombre de PA. Ouais. Nous, c'est que quand on a un alignement régulier, on peut pas mettre en ligne des PA, mais quand on a un cas qui manque des joueurs, là, on peut avoir des PA. Monsieur, ce qui se passe en arrière? J'ai pas le nombre. Et la fin du monde est en train d'arriver en arrière, David? on attend un drôle de bruit en arrière de chez vous. J'ai dit peut-être que c'est la fin du monde qui arrive. Non, blague à part. Ah non, c'est juste mon. gros chien qui... Donc, en passant deux matchs en fin de semaine, David, donc on en a parlé la semaine passée, mais c'est très serré dans la Ligue cette année, puis ce qui est le fun aussi pour nous, ben, c'est le retour, on en a parlé la semaine passée, c'est le retour des Castors en force. Hein. Les Castors de Dolbeau, c'est vraiment agréable. Ah oui, mais là, c'est super agréable, puis quelqu'un va vraiment les affronter, puis je pense qu'eux aussi ont envie de les affronter. Mais ceux qui avaient pour rester concentrés, on a d'autres matchs à jouer, puis c'était pas d'aller chercher les points. Mais moi, c'est comme je te disais la semaine passée, ce que je suis le plus fier, je pense, présentement, même si on a 6 victoires en 6, c'est pas les victoires, c'est vraiment le nombre de points francs jeu. On a réussi à avoir même 6 points francs jeu. Il y a nous, puis Alma et Zaglon qui ont encore 2 points francs jeu. Quand tu arrives à la fin, puis te manques un ou deux points, ben, souvent la différence, c'est sûrement ces points-là qui font que tu finis premier ou deuxième ou même troisième. Donc la fierté que j'ai présentement, c'est vraiment plus mes points étrangers. Parce que le reste, dans le début d'année, c'est tout à fait le début d'année. Hein. Il manque un petit peu de cohésion. Si les trios sont pas tout à fait exacts, c'est-à-dire les joueurs. Et là, j'ai des peurs beaucoup parce que moi j'ai des joueurs qui jouent au football, un peu comme Dolbeau. Ces points-là qu'on va chercher, là, c'est moi, ces victoires sont très importantes. Mais les petits points étrangers, quand on va arriver à la fin, là, on va se rappeler encore au mois de février pour dire « Ah ben bravo, ils ont gagné parce qu'il y a encore le plus de points en jeu, le nombre de victoires était égal à 6 autres équipes. » Donc c'est pour ça que ces points-là qu'on va prendre là sont vraiment très importants. Okay. David, on se parle mardi prochain pour la chronique du Marcos Pop. L'instructeur-chef du Marcos Pop, David Boudreau.